Question. Est-il simple, selon vous, de rattraper le temps perdu? Réponse. Difficile la plupart du temps. En contrepartie, il est passablement plus simple d'explorer le temps passé. Et encore une fois, ce soir, en réanimation, nous ferons un voyage de presque 30 ans en arrière, soit en juin 1984 et octobre 1985. Deux événements marquants dans le monde du métal. La sortie de l'album Morbid Tales des Suisses Celtic Frost, qui va donner le ton à un nouveau style métallique, et Seven Churches de la formation californienne Possessed, qui tant qu'à eux, donnait le ton et le jour au death metal. Donc, comme vous pouvez le constater, réanimation ne fait pas que proposer des sottises, mais contribue à votre culture historique, et que diable en soit témoin. Côté culture, vous en avez grandement besoin, les incultes. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui sont tous tout aussi réputés historiquement parlant pour leur passion du métal que pour leur pratique médicale médiocrement intemporelle, ainsi que leurs propos qui sont à des années-lumière de l'équilibre mental. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, 'cause Pendragon fucking said so. Go! Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bières situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier, un choix de cidre de pomme, de paniers cadeaux, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Attention, attention, dernier rappel pour l'embarquement du vol 89. De Mexico à Tokyo ou de Barcelone à Melbourne, vous vous envolerez chaque lundi midi avec moi vers une destination différente dans le monde. Attention, c'est un départ pour la prochaine escale. Attention, veuillez boucler votre ceinture de sécurité. Prochaine escale à... Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition du mois de mai de réanimation des Undead Incorporated Show. Mon nom est Dr. Payne Pendragon et mon assistant et co-animateur de la soirée sera nul autre que je ne sais qui. Comment allez-vous, je ne sais qui? Hey, ça va très bien, je ne sais quoi. Sinistros, bien entendu, Sinistros. Eh bien, nous sommes de retour ce soir. Eh bien, oui. Il y en a qui ça n'a pas fait l'affaire, qu'on soit de retour. Ils voulaient nous empêcher de... Les auditeurs, principalement, ne voulaient pas qu'on soit non, de retour. Non, eux autres, ils voulaient surtout pas, mais je pense aux pauvres petits démons qui ont tenté de nous empêcher de revenir. C'est juste... Mais moi, en parlant de démons... C'est juste drôle. La semaine dernière, j'étais vraiment comme un damné pour prendre les paroles du Rockmaster, mais je reviendrai à ça un peu plus tard. Une émission chargée, comme à l'habitude, parce que ce soir, Sinistros et moi avons respectivement une présentation de l'album marquant qui aurait dû être fait il y a 2 émissions, mais étant absent, nous nous reprenons ce soir. J'ai aussi, vous avez tous appris évidemment le décès du regretté et le, je dirais, le catastrophique décès du guitariste Jeff Hanneman de Slayer. Décès qui s'est fait de façon assez inattendue. Bien, inattendue pour le commun des fans, ouais, oui, mais pas pour lui. Pas pour son entourage. Pas pour direct, le médecin. Parce que la nouvelle, la cause du décès est sortie. Ouais. C'est cirrhose du foie, carrément. Oui, effectivement. Alcoolisme ultra élevé. Il déjeunait avec le Jack Daniels le matin. Bien, écoute, quand on. Tu sais, je veux dire, il y avait des guitares qui étaient faites sous. Le logo de Heineken, ouais, c'était marqué Heineman, ouais, des t-shirts. Fait que, tu sais, on le voit souvent sur plein de photos posées avec ces bières-là, ainsi de suite. D'après moi, il aimait ça un petit peu. Puis tu sais qu'il y a quelque chose d'ironique dans cette histoire-là, c'est quand il avait été piqué par la fameuse araignée vénéneuse. Spider-Man, là. Ouais, qui avait... Ouais, je sais pas si c'était Spider-Man. Je pense pas que ce soit Peter Parker qui a fait ça. Qui lui avait donné, en fait, la batterie. Après ça, c'était généré en batterie mangeuse de chair. Qui mettait son bras, là, probablement en perte totale. Et le médecin qui l'a traité était un fan de Slayer. Pour vrai? Oui. Et lui a dit, Monsieur Hanneman, je vais vous sauver votre bras. Je vais vous sauver votre vie. Et je vais tenter de sauver votre carrière. Et il l'a sauvé. Et quoi? Jeff Hanneman avait beaucoup de réhabilitation à faire. Il a même fallu qu'il apprenne à marcher. Il y a des opérations, des greffes, ainsi de suite. L'ironie du sort aurait été que ce n'est pas ceci qui l'a remporté, mais bien ses mauvaises habitudes de vie et de carrière, faut le dire, parce que dans ce milieu-là, c'est pas toujours évident de pas tomber dans le piège. Mais c'est fort triste. Donc, ce soir, un peu plus tard dans l'émission, je ferai un petit hommage posthume à Jeff Hyneman avec deux pièces très représentatives de ses compositions, mais aussi qui aura porté Slayer à des niveaux assez hauts. Donc, on fera pas une minute de silence, on fera un 10 minutes de Slayer. Ben, je te dirais précisément un 9 minutes. Oui, 2. C'est ça. Je veux juste faire une parenthèse parce que je trouve ça un petit peu sur la même lignée de pensée. Je trouve un petit peu aberrant, moi, que Kerry King ait décidé de poursuivre une tournée avec uniquement lui comme membre de Slayer, alors qu'on sait que Dave Lombardo s'est fait remercier par le management pour des raisons pécuniaires, que Jeff est décédé. Et que Tom Araya, eh bien, recommence à avoir des problèmes de dos sérieux, qui devra se faire opérer, si c'est pas déjà fait, je le sais pas. Et Gary Holt, ça fait une très belle job, là, en remplacement de Jeff Hanneman. Je suis d'accord avec ça, c'est un excellent guitariste, puis je pense qu'il fit bien l'histoire. Mais avec un seul membre de Slayer, tu peux plus continuer à tourner sur le nom Slayer. Moi, je trouve ça ridicule, là. Surtout quand on pense que la rumeur qui s'avère être possiblement vraie... Et que King and Friends? Ben, tu sais, qu'on dit qu'il est question que ce soit... Jason Newsted qui prennent la barre, c'est possiblement le vocal, je trouve ça absolument aberrant. Mais bon, bref. Mais Kerry King est quelqu'un qui semble être très arrêté dans ses façons de voir les choses. Ceci étant dit, comme je le disais, ce soir, moi, je présenterai un album marquant metal, l'album de Possess Seven Churches, c'est-à-dire ce qui correspond à une face d'un premier, d'un vinyle, si on veut. Et toi, à l'instant, je te laisse nous introduire ce que tu nous proposes. Ben, un album, un mini-album, dois-je dire, que je vais présenter dans son entièreté, parce que ça dure 24 minutes. Mini-album que j'avais découvert à une émission métal très célèbre au Québec qui passait le vendredi soir à 11h à un poste anglophone. Metal Files. C'est ça, le Metal Files, que j'écoutais religieusement à tous les vendredis. J'ai découvert bon nombre d'excellents bands et bon nombre de pourritures aussi, mais ça, c'est pas grave. Morbid Taze, je connaissais pas Celtic Frost et je connaissais pas Hellhammer parce que à l'époque, il faut se rappeler qu'Internet n'était pas tout à fait encore inventé, vous voyez. Il était inventé, mais il n'était pas disponible tellement. Fait que la seule façon pour nous de découvrir des nouvelles choses, c'était par le biais des magazines et des radios qui diffusaient. Des radios qui diffusaient, comme l'émission Metal Fire. Ou de prendre des guets chez le disquaire. Oui, ça, des fois, ça faisait mal. Oui, effectivement. La pochette était bien belle, mais... Le contenu était beau, le contenu était mauvais. C'est ça. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Morbid Tales, mini-album qui m'avait vraiment marqué, surtout avec la pièce Into the Crypt of Rays, qui est la première pièce de Celtic Frost que j'ai entendue de toute ma vie. Ouais, c'est une espèce d'incantation. Je suis tombé vraiment sur le derrière, mais moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que je me mettais une cassette dans mon tête, puis pause, puis record. Puis quand il disait le nom, Celtic Frost, on pesait sur le piton, puis on tapait et tourne, tu sais. J'ai réécouté la cassette, puis j'ai réécouté la cassette, puis j'ai réécouté la cassette. Puis à un moment donné, ben, je suis allé chercher le vinyle, puis de fil en aiguille, il y a Emperor's Return qui est sorti. Après ça, ils ont sorti To My God Orion, pis etc., etc. Puis ce Celtic Frost, ça a toujours été pour moi... une très grande influence et quelque chose qui... C'est un album marquant pour moi aussi, je t'avouerai. Juste une petite parenthèse, je m'excuse, si j'ai une vilaine grippe. À un certain moment donné, vous allez peut-être m'entendre m'étouffer. Je suis désolé. Et vous m'entendrez rire par la même probablement occasion. C'est un album qui est effectivement marquant. Celtic Frost est marquant, pas pour l'ensemble de son œuvre, mais pour des points très précis qui ont été très, je dirais, très... fort. Ben, les trois premiers points, dans le fond. Les deux premiers hippies, puis To My God Orion. Oui, effectivement. Par la suite, si on regarde Cold Lake, si on regarde Cold Lake, Into the Pandemonium, il y a certaines pièces qui sont pas pires. Mais t'écoutes l'album, tu skippes beaucoup de pièces. Ah oui, effectivement. Avant d'arriver, tu pourrais faire facilement un mini-album avec les bonnes pièces. Oui, c'est ça. Encore là, Celtic Frost, c'est un parfait exemple, je dirais, de mauvaise gestion et de jugement faussé de vouloir réorienter une carrière soudainement à brûle pour point envers ce qui pourrait leur paraître être beaucoup plus money maker. De passer du statut de pratiquement de berserker ou de guerrier septentrional arriver à des poseurs avec du acid wash jeans. C'est cela. Tu sais, c'est une très mauvaise façon de gérer son ban. Bah, écoute, ça enlève rien que l'album Morbidity est excellent. C'est un classique. Tout à fait. C'est ceux qui connaissent pas ce mini-album-là, ben, Just Too Bad For You. Ben, c'est le temps ou jamais de le connaître. Peut-être que oui. Alors, on va écouter l'entièreté et j'ai même poussé l'audace à mettre l'instrumental Danse Macabre qui va vraiment fitter avec l'émission Réanimation pendant 3 minutes, quelques secondes d'accord. De pure evilness. Alors, allons-y tout de suite. Into the Crypt of Ares. Go. We'll be right back.

regarder ou entendre les chroniques de Mathieu Plante cet été? Vous cherchez des segments à succès comme « C'est un fait ». Il n'a pas pris son bain depuis 37 ans. Et il est la personne qui sent le plus mauvais et la personne la plus sale à jamais avoir vécu. On le félicite. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Comme il dit souvent, similaire à vu à la télé. Oui. Ça, c'est la version cheap du vrai. De l'autre version cheap. Et Kinky Sexy Time. Tantôt, on parlait de quand on a des relations sexuelles. Jean-Philippe les voit à l'avance, puis je vois sa face, puis c'est comme... Est-ce qu'il va le dire? Oui. Retrouvez les toutes et plus encore dans une nouvelle émission estivale. Assemblage requis à la plage, les jeudis de 14h à 18h. On rappelle les samedis à midi et les dimanches à 10h. Tout l'été, assez fou. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Chaque mercredi midi de l'été, Saint-Onis c'est fou pour ton dîner dans une bouteille. Ton dîner dans une bouteille, c'est un florilège des chroniques La bière de la semaine réalisées dans le cadre du Dîner de cons depuis 2011. Alors, si tu ne sais pas encore boire, écoute C'est fou le mercredi midi. En rediffusion les samedis, 11h. 89.1. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou avant tout le monde. 89.1. h 3 minutes et vous êtes à l'antenne de C'est fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières, et qui plus est, réanimation des Undead Incorporated Show en compagnie de Sinistros et moi-même, votre cher et charmant Dr. Payne Pendragon, toujours là pour vous servir. Eh oui. Du plus pire que je peux. Ben, j'espère. Eh oui. C'était un album culte, mon ami. Oui, très culte. Culte. L'autre aussi, après Emperor's Return, qui sont comme mes deux préférés, Celtic Frost. C'est vraiment bon. C'est le côté cru, le côté... Ça a dégagé une atmosphère qui n'avait pas été connue encore. C'est mieux qu'Hellhammer. C'est Hellhammer, on va dire que c'est culte. Hellhammer, c'est culte, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Apocalyptic Raids, c'est correct. Ce mini-album-là, c'est il y a des bonnes tunes, c'est pas drette. Non, c'est correct. Non. Mais ce qu'ils ont sorti, l'espèce de box set, le Demons and Trades, là, tu aurais pu comme laisser faire. Là. Ça, là, tu vois, ça me dit absolument rien. Ben ça, ils ont sorti un coffret, je pense... Sous le nom de... Hellhammer. De Hellhammer? Oh, oui, c'est des pièces qu'ils avaient faites d'Hellhammer, des pièces démo, tout. OK. Ça s'appelle Demons and Trades. Ça rentre sur deux CD. OK. Ça sonne la boîte à côté, puis... C'est vraiment pas... Tu sais, Hellhammer, là, c'est sorti comme étant un album, mais dans les faits, ça sonne comme un démo mal foutu, là, t'sais. Oui, mais c'est parce que ce qui me fait rire, c'est que par la suite, dans les années 90, le black metal s'est inspiré carrément de cette sonorité-là, puis même, ils ont empiré la chose. Ouais. T'écoutes Demons and Trails, t'as l'impression d'entendre un mauvais groupe de black metal des années 90, là, tu sais, c'est... Ben même, en 2013, il y a encore des mauvais groupes de black metal qui s'inspirent de cette sonorité-là, c'est épouvantable, là, c'est... Mais, tu vois, ils ont quand même fait une transition, je dirais, une percée rapide entre ce qu'ils ont fait avec Hellhammer et Celtic Frost. Quand j'ai connu Morbid Tales avec Celtic Frost, je connaissais pas Hellhammer. C'est en lisant des magazines que je me suis aperçu qu'il y avait sorti quelque chose sous le nom de Hellhammer avant. Mais je pense que c'était pas l'ensemble des membres de Celtic Frost. Juste le batteur. C'est pas le batteur. C'est pas le même batteur. C'est pas Martin Haynes. Non, c'est pas Martin Haynes. C'est ça. Martin Haynes, t'es à la base. Reid St. Mark. Ouais, c'est pas Reid St. Mark. Okay. C'était Bruce Day, je pense, son nom. Okay. Ben, il y avait tous des noms comme Denial Fend, Satanique, je sais pas quoi. Puis du coup, il y avait des noms comme. Ouais, des noms un petit peu inspirés par l'évangile noir. Non, mais à l'époque, Antoine puis moi, c'était très evil. Là. C'était très. Oui, mais tu sais, même là, écoute, moi, je me rappelle d'avoir écouté cet album-là de Hellhammer quand c'est sorti, puis j'avais. J'étais parti à rire, là. Tu sais, je trouvais que c'était totalement pas crédible. Aujourd'hui, on les voit, ces albums-là, avec un œil différent, peut-être. Ouais, c'est ça. Ben, remarque, encore, tu sais, je te dis, moi, je suis un amateur de Celtic Frost. On dira pas que l'album Morbid Taste, Emperor's Return, si on veut, c'est de la grande musique. C'est nouveau. C'est une dimension, une atmosphère qui était différente. Quand tu prends To Megatarian, tu dis là, ça devient grandiose. Ouais, là, ça devient grandiose, c'est ça. Encore là, c'est pas une musique. C'est pas des musiciens hors pair, là. Non, c'est pas des hot, là. Non, pas du tout, parce que c'est très grave, répétitif, là. Oui, mais tu sais, c'était le côté le global de la chose. Oui, exactement. Le nom du band, les structures de pièces, puis l'atmosphère qui s'en dégage, généralement. L'atmosphère qui s'en dégageait, ça s'était jamais vu. C'était vraiment, qu'est-ce que c'est ça? Effectivement, ça a été très innovateur, d'ailleurs, puis ça l'a probablement... ça l'a ouvert la porte à d'autres bands. Oui, c'est certain, parce que si on regarde aujourd'hui, prends par exemple, on va prendre un comparatif qui me vient rapidement à l'esprit, Dimmu Borgir, il y a l'esprit, je dirais, au niveau du studio, dans les enregistrements de ce band-là, il y a l'esprit un peu, tu sais, grandiose, monarque, qui rentre en ligne de compte, qui est tout droit inspiré de ce que Celtic Frost faisait. C'est ceux qui sont inspirés, sauf que les autres, ils ont mis le côté, on dirait, ben, peut-être pas sur les premiers albums de Dimmu Borgir, mais dans les derniers qu'ils ont fait, un aspect beaucoup plus commercial, beaucoup plus... comment je pourrais dire, accessible. Oui, mais en même temps, il y a l'espèce d'effet d'orchestration qui est comme, je dirais, majesté un peu, tu sais. Ben, moi, on va te dire que Septic Flèche, je trouve ça plus majestueux que Oui, ah ben oui, c'est sûr, c'est personnellement, sûr. Personnellement... Septic Flèche, encore là, c'est une musique qui est beaucoup plus recherchée. Oui, c'est ça. C'est une musique qui est beaucoup plus viscérale, à quelque part, parce que Dimmu Borgir, on est loin de la discussion initiale, mais Dimmu Borgir, à quelque part, ça reste un peu, je dirais, le facile d'approche du genre. Ben, le fast-food du métal, un petit peu. C'est moins pire que certains cheesy, mais powereux. Oui, c'est certain, mais bon. C'est déjà moins pire que du deathcore ou du metalcore, là, mais en tout cas, bref, on rentrera pas dans ce... Ben, on peut en faire une émission complète de ça, hein? On pourrait à un moment donné se payer un trip et de se faire une émission qui est 80% de déblatérage, 20% de musique. Quoique ça reflèterait assez la réalité finalement. Ah oui, c'est fort. Avant de poursuivre avec ce que je vous propose. Ça pourrait que je ne fasse la nomination. Ah ben oui. Où en étions-nous? Oui, on parle Jean-Jacques. Oui. comment déjà Pierre Lalonde, oui. Et on a entendu Nocturnal Fear, danse macabre, pièce qui s'intègre très bien à Réanimation. Oui. On a eu le temps de se faire quelques petites opérations pendant cette... À pied levé. À pied levé, vite. Ça donne un petit... Ouh! Un petit thrill. Oui. Return to the Eve, Procreation of the Wicked, Visions of Mortality, Into the Crypt of a Raze. Qui débute avec... l'album débute avec une espèce d'incantation, je dirais, très cabalistique, mais c'est malsain. C'est malsain. C'est Morbid Tales, qui est paru en 1984 sur Noise Records. Belle présentation, mon cher. Je vous parle une petite chronique cinéma parce que j'ai eu le temps de voir quelques trucs. En fait, je dirais que dans les deux dernières semaines, j'ai pas nécessairement écouté beaucoup de nouvelles choses, mais j'ai écouté beaucoup de choses que je voulais revoir. Donc, les nouveautés, j'en ai vu quelques-unes, mais j'ai été assez restreint. Je suis allé voir le week-end dernier Iron Man 3. Est-ce que t'aimes Iron Man? Ben oui. Oui. Je pense que t'aimes ça, les trucs de Marvel. Hein? Oui. Oui, moi aussi, je suis... Ben, surtout, les trucs de Marvel, depuis qu'ils ont été rachetés par Disney, là, c'est mieux fait. Là. Il y a quelques-uns des films Marvel du début, comme le premier Hulk. C'est vraiment pas bon. Là. Mais généralement parlant, je dirais qu'il y a au moins 85% du stock de Marvel qui se fait depuis les 10 dernières années. C'est sûr. Donc, je suis allé voir Iron Man 3. Je suis un fan du personnage d'Iron Man. Je suis un fan des films d'Iron Man. J'étais même fan, quand j'étais plus petit, de la série I'm Iron Man avec les bonhommes en carton. Ah, c'était le fun. Oh, puis écoute, je les possède, je les réécoute à l'occasion, puis je trouve ça a encore un certain charme. Bref, j'avais très hâte de voir la dernière partie de cette trilogie, parce que Iron Man finissait avec celui-là. On le retrouvera dans The Avengers. Où c'est un bon film, mais j'ai été quelque peu déçu par rapport aux deux premiers. Donc la sauce, ça s'étire légèrement, puis c'est le temps que ça finisse. Probablement pas. Je pense pas que ce soit la raison. En tout cas, moi, je l'ai pas vu comme ça. C'est plus qu'on a axé énormément, puis c'est correct, on a axé énormément sur Tony Stark. Dans l'histoire, tout le monde sait maintenant que Tony Stark, c'est lui Iron Man. Puis Iron Man, c'est pas un gars qui a des pouvoirs. C'est lui, ben oui. Ah. Faudrait peut-être que tu vois le premier puis le deuxième. Mais invisible, espèce de crise. Faudrait peut-être que tu t'en rappelles d'abord. Ah, OK. Tu sais, la population connaît que. Et c'est connu que de la population, c'est-à-dire que Tony Stark, c'est Iron Man. Puis Tony Stark, c'est un humain bien ordinaire. C'est un génie au niveau de tout ce qui est la technologie. Mais il reste que c'est un humain sans pouvoir. Donc, c'est correct. Mais on a axé tellement le scénario sur Tony Stark avec certaines tourmentes, certaines, parce qu'il est plus, le directeur de Stark Industries. Il a remis ça à sa concubine qui est Pepper Potts, qui elle est tout le temps occupée, qui a jamais le temps de rien faire, qui a pas jamais le temps de le voir. Lui, il délire dans son laboratoire, puis il crée des armures, puis il dort pas, puis il y a une bonne réplique par contre. Jarvis, son ordinateur, son espèce d'aide virtuelle, lui dit, Monsieur Stark, vous devriez penser à dormir. Il y a 72 heures que vous n'avez pas fermé l'œil. Il répond, tu sauras que Albert Einstein a dormi 3 heures dans sa vie, puis il regarde jusqu'à où ça l'a mené. Mais j'ai trouvé qu'on s'écartait un petit peu du sujet, qu'on n'était pas vraiment autour du personnage d'Iron Man, puis moi, c'est ce que j'aime là-dedans. Mais c'est un bon film. Moi, je lui ai donné seulement 7 sur 10. C'est ma première impression. Je l'ai vu au cinéma dans des conditions excellentes. Lorsque le Blu-ray sortira, je vais me le procurer assurément. Je vais peut-être le redécouvrir différemment. Mais présentement, c'est un 7 sur 10. J'ai écouté aussi un autre film qui est une nouveauté, qui vient de sortir, qui est la dernière production de Rob Zombie, qui s'appelle The Lords of Salem. C'est un film qui pique énormément ma curiosité parce que j'ai toujours, encore là, 80% sur 4 parutions de Rob Zombie, aimé énormément ce qu'il a fait, c'est-à-dire les 3 premiers, soit House of Thousand Corpses, The Devil's Reject, et son remake de Halloween. Tant qu'à Halloween 2, je trouvais que c'était un petit peu plate, là, mais bon, je me disais, bon, The Lords of Salem, avec un sujet qui traîne au tir autour des sorcières de Salem, ça devrait être intéressant. Eh bien, malheureusement, j'ai dû me restreindre à lui donner une cote de 5.5 sur 10, ce qui n'est pas énorme, selon moi. C'est pas beaucoup. Parce que le film, il est plate. Il y a des bonnes séquences, mais qui ne se vont pas nécessairement, qui ne forment pas un tout. Tu comprends? C'est décousu. Il ne se passe pas grand-chose. Puis c'est un peu, je dirais, c'est un mélange d'un. J'ai l'impression que Zombie a voulu faire un trip psychédélique. Un peu décousu, finalement. Oui, c'est décousu. Il a voulu faire un trip psychédélique par moment avec un film d'horreur, mais très mal lié ensemble. Donc, moi, ben évidemment, on retrouve encore Sherry Moon Zombie, qui a le rôle principal, et l'acteur qui porte le nom de Jeff Daniel Phillips, je l'ai trouvé très mauvais. Je le connaissais pas. Il joue le rôle de... Parce qu'elle est DJ dans une station radio rock. Elle travaille avec deux gars, dont Bruce Davidson et Jeff Daniel Phillips. Puis lui, je l'ai trouvé vraiment poche. Vraiment poche. Donc, le film de Rob Zombie, ben, Just Too Bad, moi... C'est pas un film que je vais vouloir écouter. Présentement, en salle, le film avec Tom Cruise, Oblivion, les previews ont l'air excellentes. Oui, ça a l'air cool. Le vendredi, le 17 mai, c'est Star Trek Into Darkness qui sort en salle. Le 21 juin, World War Z, les previews ont l'air super bonnes. J'ai vraiment hâte de voir ça. Au mois de juillet, The Lone Rangers. Mais le 12 juillet, Pacific Rim. Et le 2 août, j'ai tellement hâte, 300, Rise of Empire. Il y a une autre série que je vous conseille qui est la troisième saison de cette merveilleuse série qui porte le nom de Walking Dead. La troisième saison, je ne l'ai pas terminée encore, évidemment. J'ai pas vu la 2, moi, encore. La 2, c'est la moins bonne des trois. C'est la plus lente. Mais la troisième est excellente. C'est excessivement violent. C'est très gore. C'est très zombie. Et elle est très bonne, cette saison-là. Walking Dead saison 3, je vous le conseille absolument. Autre petite chose, dans les films... Bon, on a passé 2 semaines, enfin, je me suis rattrapé un petit peu à ce niveau-là. Dans les films à revoir ou à découvrir, es-tu un amateur des films des années 50? Ben, ça dépend quoi. Es-tu un amateur des films des années 60? Ça dépend quoi. Bon, es-tu un amateur de films, toi? Ben, ça dépend quoi. Bon, OK, il n'y en a rien. Moi, je suis un amateur des films de science-fiction, principalement des années 50 et 60. Et un des films qui, pour moi, est un film fétiche, porte le titre de Earth vs. the Flying Saucers, qui est de 1956, qui est un film de Fred S. Sears, qui met en vedette Hugh Marlowe, qu'on a rencontré souvent dans plusieurs films de ce genre de production-là. C'est, je dirais, un des excellents films à l'époque où il y avait la guerre froide. Les Américains, les cinéastes américains reproduisaient beaucoup dans les films de science-fiction l'ennemi juré, le communiste, le russe, par l'envahisseur. Et c'est encore le cas ici. Et c'est un des premiers films, c'est du stop-motion, qui est principalement fait par Ray Harryhausen, qui est un maître à penser dans l'art du stop-motion de ces années-là. Qu'est-ce que tu parles, stop motion? C'est image par image. Okay. C'est vraiment des maquettes qu'il déplace avec une photographie, qu'il déplace le mouvement avec une photographie, ainsi de suite. Donc, c'est excessivement laborieux. Très long. Très, très laborieux. Et c'est un des premiers films où on voit vraiment une évasion de soucoupes volantes sur la Terre. Cool. C'est vraiment cool. C'est très, très cool. C'est un film noir et blanc. C'est un film qui se trouve relativement difficilement en français, mais en anglais, ça fait une très belle job. Donc, moi, c'est un film qui, encore, fait partie de mes préférés. Je lui donne un 9.5 sur 10. Et l'autre film, et ça, peut-être que tu l'as déjà vu, parce que c'est un incontournable, dans les films de science-fiction des années 70, 73 précisément, qui est un film de Michael Crichton, qui met en vedette Yul Brynner et James Brolin, le père de Josh, c'est Westworld. Mm-hmm. C'est excellent, ce film-là. Grosso modo, c'est un parc d'attractions futuriste qui invite les gens, les vacanciers richissimes, à pouvoir passer, je crois que c'est une semaine, dans un monde particulier. Le monde de la Rome antique, le Moyen-Âge et le Far West, la conquête de l'Ouest. Et les deux principaux acteurs, qui sont James Brolin et Richard Benjamin, décident de prendre le monde du Far West parce qu'en même temps, ils veulent faire une espèce de reportage là-dessus, incognito. Et ces mondes-là sont peuplés d'androïdes qui font les interactions, en fait, qui sont les figurants, si on veut, des mondes qui ont ça été sélectionnés. Et ça dérape. Mm-hmm. Ça dérape parce qu'il y a une espèce de prise de contrôle qui devient individuelle des androïdes. Ils se foutent de toute la programmation qu'ils ont. Et le Gunslinger, qui est joué par Yul Brynner, qui est décide qu'il les traque pour les abattre. Ouais. C'est vraiment excellent. Ouais. C'est excellent. C'est un film auquel je donne un 8.5 sur 10. Et je donne pourquoi un 8.5 sur 10? Parce que on nous amène trop souvent vers les autres mondes qui sont par des acteurs secondaires, qui ont été choisis par des vacanciers des acteurs secondaires. C'est un peu ordinaire, ces sections-là. Mais la section du Far West, c'est vraiment bon. Et on fait une suite à ça avec Peter Fonda, qui est Future World, qui est assez moyenne. Fait que, somme toute, ces deux films des années 70 et des années 50 sont à découvrir. Je vais t'avouer que je suis un très grand amateur des affiches de films des années 50, 60 et 70. Sont tellement belles. Sont vraiment belles. Oui. T'entends que tripeux d'infographie puis tout, là, c'est de voir les conceptions sont. C'est cool, des œuvres d'art. Oui, c'est vraiment cool. Oui. Moi, je les collectionne. On dirait que ça s'est perdu au courant des années 90. Absolument. C'est vrai qu'ils font des même ceux de fin 70, début 80, c'était encore cool, là, c'est il y avait, oui, mais t'as raison. Moi, je les collectionne, ces affiches-là. Et je te dirais que, à cette époque-là, même les films des années, je dirais, 30, 40, 50, 60, c'était des films qui étaient, des affiches qui étaient tirées de vraies peintures, souvent. Ben, tu sais, il y avait de la couleur, tu sais. C'était punché. Ouais, punché le lettrage qui partait de petits allégramme, donnait comme un effet de profondeur. Oui, puis de dynamique, effectivement. C'est cool, c'est cool. Le même principe que quand ils ont développé le cinémascope, les couleurs étaient absolument hallucinantes. Non, les couleurs étaient flagrantes, c'était vraiment génial. Aujourd'hui, je pense que le cinéma a beaucoup plus d'attrait vers les effets spéciaux que vers le côté artistique. Oui, c'est ça, le côté pictural. Bon, ouais, effectivement. Ça aussi, on pourra en débattre très longtemps. Tout à fait. Tout à fait. Malheureusement, on n'a pas le temps. Ah, on a de la musique à faire jouer. Oui. D'ailleurs, petit spécial. Pardon. Micro spécial. En l'honneur de M. Jeff Hanneman, qui est décédé le 2 mai dernier à l'âge de 49 ans. D'insuffisance hépatique. Ouais. Cirrhose du foie. Voilà. Personnage très marquant dans le monde du métal et dans le monde de la musique en général. Ben, parce un grand pionnier, parce que je pense que sans Jeff Hanneman, la face du métal ne serait pas comme elle l'est aujourd'hui. Je le crois. Parce que on peut dire, bon, oui, Slayer a été un très grand pionnier pour la scène métal d'aujourd'hui, le métal, ce qu'on peut appeler extrême. Mais Jeff Hanneman, il y est pour beaucoup là-dedans. Parce que Jeff Hanneman, ça a été sinon le premier, au début des années 80, à s'intéresser à ce qui se faisait sur les autres scènes, dont le punk et le hardcore. Mm-hmm. Lui, il s'est intéressé beaucoup à des groupes qui jouaient très rapides, très, très agressifs. Ouais. Ben, il a pris ce petit côté-là, puis il l'a adapté transposé, au métal. Puis ça a donné Slayer avec Show No Mercy et ce qui s'en est suivi. Hunting the Chapel et compagnie. Quand t'as les gens aujourd'hui qui écoutent, mettons, du hardcore ou ces gugus-là, tu sais, qui disent « Ah, écoute ce breakdown-là. » Le breakdown, c'est Jeff Hanneman qui a inventé ça. Tu disais que le métal serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui si Hanneman n'était pas passé par là. Je pense qu'au départ, Slayer n'aurait jamais été ce qu'il aurait non, été. Non, c'est en plein ça. Parce que, faut pas se le cacher, ben, c'est lui qui composait vraiment les bons matériels. Les grosses tunes. Oui, effectivement. Donc, personnage regretté pour... En fait, je pense qu'il n'est pas regretté uniquement au niveau de la scène métallique, mais de bien d'autres gens qui ont réussi à apprécier ce que ce gars-là a fait comme travail. Professionnel, je parle, parce que dans sa vie privée, ben, peut-être que l'histoire prouve qu'il était pas trop équilibré, je le sais pas. Mais au niveau du travail musical, j'ai lu beaucoup de commentaires depuis son décès. Et plusieurs gens s'accordent pour dire que c'était quelqu'un de marquant. Mais il a changé la façon de jouer de la guitare. Aussi. C'est sûr et certain que c'est pas un virtuose, là. Non, c'est un très bon guitariste. C'est un très bon guitariste, mais il a changé la façon de composer des tunes, la façon de rendre plus agressif le changement de picking, les changements d'accords, les tritons. Ouais, effectivement. Donc, on écoutait deux pièces tirées d'un album de 1986 et de 90 que vous allez sûrement reconnaître parce que ce sont des hymnes du métal et ce sont des pièces très représentatives des gros canons qu'il a fait. Voici Slayer et Jeff Hanneman. lundi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classique. Rock Classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Ici Jean-Philippe Charbonneau. Cette année, j'ai eu le privilège de partager la co-animation d'Assemblage requis avec l'honorable et le distingué Mathieu Blanc. Hey, je beurre-tu assez épais, Mathieu? Ouais! Aucun outil requis est l'occasion de retourner en arrière afin d'écouter des chroniques que vous avez peut-être manquées. Aucun outil requis, mercredi à 13h et samedi 10h, tout l'été à C'est fou. Hey Mathieu, c'est-tu correct? Ouais! L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. La radio autrement. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Yeah. 20h34, et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, des Undead Incorporated Show, vétérans du métal, c'est fou, émission qui dure depuis maintenant... Quelques minutes. Pratiquement 13 ans. OK. Quelques heures, à peu près. On vient d'entendre deux pièces que vous avez sûrement reconnues, qui sont tirées de deux albums assez emblématiques. Et si vous ne les avez pas reconnues, ben là, changez de style de musique. Là, mal vous en prend. Vous n'avez rien compris. Oui. Deux albums qui sont assez marquants de la discographie de Slayer, soit Seasons in the Abyss et la pièce War and Symbol, deux pièces d'ouverture de respectivement de ces deux albums. Et Rain and Blood avec Angel of Death, évidemment, qui est probablement un des albums les plus encensés au niveau de l'histoire du métal. Et je le dis, je le redirai toujours, c'est un peu le Sgt. Pepper's ouais, du métal. Effectivement. Côté spectacle, eh bien, dans la région immédiate, c'est assez tranquillos au niveau du métal. Ben, il y a Skeleton Witch. Oui, ben, je n'ai pas l'info. Sur Royal Metal, il n'est pas écrit? Ben, non, je suis allé voir tout à l'heure, puis il n'y avait absolument rien, ça s'arrêtait au mois d'avril. Ah, ben, je pense que c'est fin mai, là, je pense. Je pense que c'est le 24 mai ou. C'est à l'entour de là, le Skeleton Witch avec Ancients, puis. C'est au stage, Fuck, hein? Oui, avec Fuck the Middle East. OK. Oh, t'as bon, un bon petit pestac. Je pense que c'est un jeudi. Bon, c'est à vérifier. On va regarder attentivement quelle est la date exacte de Skeleton Witch ici à Trois-Rivières. BCI propose, dans la région montréalaise, le samedi 1er juin au Club Soda, formation Cannibal Corpse, Napalm Death, Immolation et Beyond Creation dans le cadre du Decibel Magazine Tour. C'est bien, c'est un samedi. Les portes ouvrent à 19h, les billets sont au coût de 25 et 22 et 30 et 43 plus taxes. C'est pour tous et c'est disponible à la billetterie du Club Soda. Et le 28 juin, qui est un vendredi, c'est quand même bien, un samedi puis un vendredi. Pour ceux qui ont à se lever le lendemain, dont je suis, c'est moins pénible. Formation Melakesh en compagnie de Vride, formation que Sinistros aime bien. Lightning Swords of Death, que je ne connais pas, et Reign of Lies. Donc, comme je l'ai dit, c'est le vendredi 28 juin à 18h au Fofones électrique au coût de 20$ et 23$ taxes incluses. 20$? Ouais, 20 et 23. Quand même pas si pire. Ouais, effectivement. On ne dit pas où les billets sont disponibles, mais possiblement que c'est sur... quelque chose. Admission, quelque chose comme ça. Parlant de spectacle, mardi dernier, j'étais absent de réanimation et par la force des choses, Sinistros, parce qu'il a peur quand je ne suis pas là. Peur de quoi, je non, sais pas. C'est parce que je vais faire des mauvais coups quand t'es pas là. Ah, OK. Tu dis que tu viens pas, mais tu viens faire des mauvais coups. Oui. OK, c'est correct. Ça explique beaucoup le désordre que j'ai trouvé. Je suis allé voir le spectacle de Ghost. Ghost BC, ici en Amérique du Nord. Formation suédoise qui donne dans une musique, je dirais, satanique aux hymnes joyeux. Ben, le nouvel album, toujours, est-il? Ben, même le premier. Même le premier, oui. Il y a des hymnes. Elisabeth, c'est quand même... Ben oui, il y a toujours une petite pointe là, de lumière qui pousse à travers ces ténèbres. De lumière froide. Oui. C'est une formation qui donne dans une musique, en fait, qui est à cheval entre le rock et le hard rock, avec une petite teinte de métal, plusieurs considèrent comme metal. Moi, je considère beaucoup plus ce band-là comme étant hard rock. Ben, surtout avec le nouvel album. Qui sonne par moment Beatles. Ben, ça sonne plus psychedelic rock, ouais, des bouts, surf rock. Surf par moment, effectivement. Mais c'est une formation qui est excessivement originale et qui a aussi une très belle gimmick. Mm-hmm. Une très belle gimmick visuelle. Mais un spectacle qui est hallucinant. Puis ceux qui trouvent ça quétaine, ben, vous êtes jaloux, c'est tout. Ben, moi, je pense que ceux qui n'aiment pas ce groupe-là, probablement, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Mm-hmm. Ils ne sont pas donné la peine d'écouter. Parce que, généralement parlant. Musicalement parlant, c'est tout à fait grandiose. Non, absolument. Les arrangements sont géniaux. Je veux dire, les mélodies sont parfaites. Et en plus de ça, ben, généralement, ces albums-là donnent des vers d'oreille assez rapidement. Hein. Oui. T'écoutes l'album deux fois, puis tu le sais pas mal. Je pense qu'il y a un espèce subliminal là-dedans, dans le côté ben, malsain du band. Oui, sûrement. Les spectacles, c'était la troisième fois que je voyais Ghost. Sont très théâtrales. L'ensemble de la scène est vraiment génial. Les musiciens sont des inconnus. On veut pas savoir c'est qui, là. Ben, comme il y a une des ghouls, d'après moi, c'est le porte-parole du groupe qui passe pas mal toutes les entrevues. Il s'est fait poser comme question... Ça vous dérange pas, dans le fond, de rester anonyme, tatati, tatata. Lui a mis les points CI, les barres CT. Il dit, regarde, ben, il dit, oh, oui, on est anonyme, on veut pas vraiment que le monde sache qui on est, puis les fans aiment ça comme ça. C'est sûr et certain que si t'es un des fans qui veut absolument savoir qui qu'on est, puis t'es assez niaiseux pour aller attendre sur le côté du boss tour, ben, tu vas te briser toi-même ta magie. Oui. On s'en fout, c'est qui, là? Tu vas savoir c'est qui, mais regarde. Ça va donner quoi de plus? Ça va te donner de quoi de plus? C'est probablement des illustres inconnus pour nous autres. Carrément. Mais quoi qu'il en soit, c'était une magie extraordinaire. J'ai apprécié le spectacle parce que c'était vraiment hallucinant de voir que tous les gens qui étaient rassemblés pour cette espèce de procession connaissaient énormément les paroles des chansons et faisaient souvent pour Papa Emeritus office de cœur. C'était vraiment c'était à l'unisson, c'était vraiment très, très bon. Petit bémol pour le groupe d'ouverture Eyes of Gemini que j'ai trouvé mortellement ennuyant. Ben moi, j'avais entendu quelques pièces du dernier album. J'avais trouvé ça soporifique à souhait. Ah, c'était ça, puis Insomnifère, ça doit être pas mal pareil. Ben, c'est ça. Bref, c'était une excellente soirée. J'ai bien hâte qu'ils reviennent. Ceci étant dit, Sinistros, je vais te lire les nouvelles du sport. Ben vas-y donc. Hey, les Canadiens sont fichus. Non, je parle de vrai sport. Ah, du sport de contact. Du sport. Et on parle ici de Gold Ore. Ah, c'est du gros sport, ça. Ben oui. On va avoir un bon petit bloc de métal plus noirci légèrement. Ben oui. J'ai pas mis de petite guitare. Non, c'est quand même... Oh, ben t'as pas mis du Sabbath. Ben oui. Hey, c'est l'homme, on sait qui, hein? L'homme couillu. Oui. Ah oui, un bon petit bloc de black trash metal. J'ai même mis du Dark Throne, ça va être bon. On va avoir du Goat Ore, Sabbath, Immortal, Dark Throne et Absu. C'est 4-5 formations que j'aime quand même très bien. T'aimes bon, très bien. Comme j'aime très bien, tu sais, voyez-vous. C'est un prince sémantique, toi? Oui. OK, que j'aime très beaucoup aussi. Mais plus encore. Que je trouve plus mieux. Plus mieux, okay. C'est ça. Alors, Goat Ore avec la pièce Judgment of the Bleeding Crown tirée de Blood for the Master. C'est paru en 2012 sur Metal Blade. Allons-y tout de suite. Go!

Yeah. mon album marquant, Possess Seven Churches. On vous revient après cette pause musicale. Yeah!

89.1. Hey! Hey, 21. Faire comme Jim Carrey avec son film, c'était-tu 21? Le nombre 21. 21. Oui, effectivement, un nombre obsessionnel dans son cas. C'est un bon film, ça. Oui. On vient d'entendre la formation californienne Possess. Possess qui a été formée en 1983 par les membres Jeff Bachera à la voix et la basse, Mike Toraho à la guitare, Larry Lalonde à la guitare également, et Mike Suss à la batterie. Formation qui existe toujours, mais il ne reste que Jeff Bachera, qui est maintenant en fauteuil roulant et qui s'occupe du vocal, tandis qu'il y a d'autres musiciens, dont Tony Campos, qui s'occupe de l'arrière-scène. C'est l'album Seven Churches qui est paru en 1985 et c'est la première apparition de cette formation-là. Et ce sera aussi, selon moi et selon bien d'autres, la seule et unique bonne parution de la formation Possess. La deuxième est pas si mal, là, mais ça n'a pas l'éclat du premier. Ça n'a pas l'éclat du premier, ça n'a pas la production du premier non plus. Le côté production, c'est laisse énormément à désirer. La pochette était belle parce que c'était un gatefold qui s'ouvrait, Brain Salad Surgery de Emerson, Lake and Palmer. Mais ça n'a vraiment pas l'éclat, comme tu le dis. On a entendu les cinq premières pièces de cet album, soit Seven Churches, Evil Warriors, Burning in Hell, Pentagram et la pièce, vraiment une pièce d'ouverture des Exorcists. Eh bien, c'est un album marquant pour moi aussi. Ben, j'imagine, hein? Oui. Puis j'imagine pour beaucoup de gens, comme étant une révolution musicale au niveau du métal. Quand ça a sorti, cet album-là, on pouvait pas s'imaginer. Il y avait des rumeurs qui circulaient qu'il y avait un nouveau groupe qui était classé comme étant le groupe le plus rapide au monde. Ouais. Ça se peut pas être plus rapide que loin donc ce qui se fait présentement. Quand on a entendu Seven Churches, on a dit ben bout de viard. Puis moi, la première fois que j'ai entendu la pièce d'Exorciste, je suis parti à rire. J'ai dit ça se peut pas. Ah, c'est ça, ça se peut pas. C'est ça. Aujourd'hui, avec le recul, avec quasiment une trentaine d'années plus tard, tu te dis, ben, il y a beaucoup pire que ça maintenant, il y a beaucoup plus intense ben, que ça. Quelques années plus tard, il y a eu bien pire que ça. Aggression, c'est encore plus vite que ça, là. Oui, effectivement. Mais c'est encore une musique qui, moi, je trouve d'actualité. Oui, effectivement. Bref, mais avant ça, comme on avait énormément déblatéré auparavant, on n'a pas fait de pause avant ton avant-dernier bloc. C'est rare qu'on fait ça. Hein? Ben c'est oui. Rare, c'est rare. Ben, on avait eu un bloc. Très noirci, hein, avec Abzu, avec la pièce Abraxas Connectus, tirée de l'album Abzu de 2011 sur Candlelight Records. Dark Throne avec Lesser Man sur l'excellent Underground Resistance qui est paru plus tôt cette année sur Peaceville. Immortal avec la pièce Demonium de Sons of Northern Darkness. Avec Popeye au vocal. Avec Popeye au vocal. Au vocal. Au vocal, oui. 2002 sur Nuclear Blast, nous avons eu Sabbath du Japon avec Norton Satanism. C'est quand je vois ça, moi j'ai tout le temps une photo. Oui, en la tête. Photo, la fameuse photo. C'est tiré de l'album Sabbath Trinity de 2011. C'est sorti sur Iron Pegasus. Et on a commencé avec Goat Horror, avec Judgment of the Bleeding Crone de l'album Blood for the Master, qui est paru en 2012 sur Metal Blade. C'était bien cela, mon cher. La semaine prochaine, je vous parlerai du film Hansel and Gretel Witch Hunter. Ben, je ne l'ai pas écouté encore. Moi, je vais l'écouter, je vais aller voir la fin de semaine prochaine. Et je vous présenterai un spécial métal de groupe québécois. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire deux pièces. C'est ça. Non. Non, je vais faire au moins deux blocs de groupe québécois. Okay, ça va être un spécial de deux blocs de métal québécois. Ah ben, tu m'enverras tes blocs, puis moi, je pense que je vais te relancer là-dessus. Bon, maudit copieur. Finalement, je vais faire un spécial de bloc métal irlandais. Bon, c'est correct, fait que moi, te relancer là-dessus aussi. Et je viens d'avoir Breaking News, ce sera un groupe de métal chinois. Bon. Ouais, ça a l'air que ça existe. C'est ça. Maintenant, relance-moi là-dessus. Ben, non, moi-même, ben, je vais avoir de la misère à trouver de quoi. Bon, OK. Ceci étant dit, nous allons continuer en musique parce que ça nous le tente, hein? Oui. C'est une bonne raison. Non, ça me voir ce que tu vas nous passer, ça me dit plus pas tout. Ben, on va passer à autre chose. Bon, c'est Breaking News, la semaine prochaine, je ferai un spécial. Québécois. Vas-y donc. Hey, vas-y donc. On va faire un bloc plus zest métal. Zest? Du zest métal. C'est du métal citronné. Du métal d'agrumes. Oui, d'agrumes, ouais. Oui. avec Assassino, Deinonychus, Centurion, Eternus et Grave. Quelques petites formations qui vont nous égayer nos tympans. Que tu dis? Que je dis, bien oui. Évidemment, parce que j'ai toujours raison. Oui, sauf cette fois-là, celle-ci, l'autre, j'en pense, c'est des meilleurs. C'est parce que c'est toi qui ne sais pas comment interpréter mes histoires. Eh bien, il faudrait que tu sois capable peut-être de pouvoir toi-même les raconter, tes histoires. Et moi, je les raconte très bien, mes histoires. Il n'y a pas de problème avec ça. Ah ouais, OK, bon. Mais juste moi bon, qui fou, tes cadavres, là, prochain mot. Bonne idée. Bonne idée. Alors, Assassino avec la pièce Soy Maldito, c'est tiré de Cristo Satanico de 2006 sur Cola Roll Records. Go! Necesito poner todo a quemar. Puedo ser más sin nada.

Chaque lundi, Un genre de bleu vous propose d'écouter les plus belles œuvres de certaines des plus grandes légendes du jazz et du blues, ainsi que les meilleurs musiciens de la scène actuelle. Un genre de bleu, c'est une mosaïque de ce monde de musique, de talents et de légendes qui vous offre un survol de tous ces styles qui constituent ce grand mouvement. Un genre de bleu, les lundis de 18h à 20h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. En rediffusion les mercredis 15h et les dimanches 14h. Du 18 mars au 1er juillet 2013, participez au concours de photos « Vue d'en haut ». Mettez-vous dans la peau d'un photographe et immortalisez un des nombreux plans d'eau du bassin versant de la rivière Saint-Maurice. Soumettez vos 4 meilleurs clichés par catégorie et courez la chance de gagner de nombreux prix en argent ainsi que des certificats cadeaux, forfaits et bons d'achat valides entre autres chez Maïka Aventure, Parc de l'île Saint-Quentin, Parc de l'île Melville, Tremblay Photo et le Musée québécois de culture populaire. Pour plus de détails et informations, visitez le bvsm.ca. Le concours de photos Vue d'en haut 2013 est une présentation de Projet Eau Bleue RBC et BVSM. Ici Jean-Philippe Charbonneau. Cette année, j'ai eu le privilège de partager la co-animation d'Assemblage requis avec l'honorable et le distingué Mathieu Blanc. Hey, je beurre-tu assez épais, Mathieu? Ouais! Aucun outil requis est l'occasion de retourner en arrière afin d'écouter des chroniques que vous avez peut-être manquées. Aucun outil requis, mercredi à 13h et samedi 10h, tout l'été à C'est Fou. Hey Mathieu, c'est-tu correct? Ouais! C'est Fou avant tout le monde. 89.1. Malheureusement pour vous et heureusement pour nous, l'émission tire à sa fin. Vous venez d'entendre Grave avec True Eternity qui est tiré de As Rapture Comes de 2006. C'est apparu sur Century Media. Eternus de... Ouais, parce qu'il a poigné à la grippe. Eternum. Il a poigné à une, Eternus toute la gang. Avec la pièce... Eternus toute la gang. C'est bon. Eternus, c'est un band de Norvège avec la pièce... C'est ça, il fait froid là-bas, il poigne la grippe. Eternus, hein. C'est ça. The Confusion of Tongues. Ah! Voilà pourquoi qu'il Eternus. Ah, ben oui. Et la confusion des langues. La confusion des langues, voilà. C'est tiré de l'album And the Seventh is Soul Detested de 2013 sur Dark Essence Records. Centurion des Pays-Bas avec Feast of the Cross, tiré de Contra Rationem également de 2013 sur Listenable Records. Nous avons eu Deinonychus, défunte formation des Pays-Bas avec Carpet Bombing, tiré de Warfare Machines qui est le dernier album de la formation, un duo en fait. C'est paru en 2007 sur My Kingdom Music. Nous avons eu Assassino avec la pièce Soy Maldito, tirée de Cristo Satanico sur Cool Arrow. On a eu un appel tout à l'heure du Dr. No, M. Dominique Akea, je pourrais dire le Billy Milano québécois de Speak English or Die, non, de Fuck the Middle East, pour nous dire que le spectacle qui doit avoir lieu, mettant en vedette Skeleton Witch et également Enchants et Fuck the Middle East, c'est le mercredi 29 mai au Rock Café Le Stage. Donc, c'est un spectacle qui est sûrement pas à rater. Et aussi, on a eu quelques petits échanges, lui et moi, concernant les rumeurs qui tournaient autour de la venue de Jason Newsted en remplacement, ne serait-ce que temporaire, de Slayer. Oui. Mais il y a beaucoup de monde qui s'entendent pour dire que c'était posté un 1er avril, poisson avril, mais... La rumeur persistant encore, je trouverais que le gag aurait été tiré un peu trop long. Ben, moi, en tout cas, si jamais ils font ça, là, moi, c'est oublie ça. Là, c'est... Ah non, regarde. C'est ridicule. Ben, disons que, en ce qui me concerne, je pense que le meilleur est passé. On dit que le ridicule ne tue pas, mais dans ce cas-là, ça va tuer pas mal. Ça se pourrait bien, ça se pourrait bien. La semaine prochaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais un spécial métal chinois. Métal chinois, ouais. Pâté de son prénom. Ouais, c'est ça. Avec la compilation de Niblets. Ouais, mais en tout cas, c'est pas vrai, là. C'est pas du métal chinois. Non, je connais même pas ça, du métal chinois. Ben, le pire, c'est que j'ai vu un groupe passer dans mes listings de Gugus, puis c'est un band de black metal de la Chine. Moi, j'ai de la misère à concevoir le principe, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Ben, tu sais, si on prend les bandes métal qui viennent du Japon, c'est généralement assez tordu. Les non, le Japon, c'est correct. Mais tu sais, la Chine... Parce que la Chine, c'est communiste. Oui, c'est vraiment, ça. Ils doivent vraiment se cacher dans les bunkers pour répéter. Je sais pas, en tout cas. Non, c'est un spécial métal québécois la semaine prochaine que je vous propose. Et je te relancerai pas, faites-vous en. Non, il n'y a aucun problème. Sois embarqué. Sois embarqué, il n'y a pas de problème. On va me trouver du métal chinois. Non, ben si tu en trouves... Non, je ne penserai pas. Taïwanais, j'en ai, par exemple. Kutonic, qui sort un nouvel album, justement, en 2013. Ben, je veux pas l'écouter. Ben, c'est bon. Kutonic, oui. Je m'en rappelle même pas. Ben oui, tu t'en souviens. Je m'en rappelle de rien. Ouais, ben, c'est ça, le petit cerveau. Ben, quel petit cerveau, là? Moi, la taille, ça m'importe peu, tant qu'il y en a un, là. Ah, OK. Et, ben, c'est ça. On a assez déblatéré, parce qu'il nous reste à peine le temps de vous passer peut-être une pièce et demie. Je le sais pas. Pas une pièce et demie, mais une pièce et demie. Ouais, mais avec l'inflation, c'est bien plus cher que ça. Puis finalement, j'ai le goût de vous étirer ça à rien dire jusqu'à 10 heures. Fait que. Ben, je dis rien. On voudrait saluer tous nos auditeurs, c'est-à-dire les trois qui nous écoutent habituellement. Ouais. Au moins, il y en a un sur trois qui téléphone. C'est Dominique, Tower, puis des fois, toi, quand t'es pas là. Ouais, c'est ça. Mais vu que je suis le temps là, ils sont tombés, il y a une deux. On va terminer ça avec une pièce de Suffocation tirée du dernier album Pinnacle of Bedlam qui est paru il y a quelques mois à peine. Là. C'est pour qu'ainsi dire, peut-être que ça se compte encore en semaine. Oui, mais sais-tu que... Mais c'est un nouveau-né, ça se compte en semaine. Bien vite, on va avoir la moitié de l'année de passer. Oui, absolument. Ça veut dire... Hey, je sais pas, je vais vite de même. Là. As-tu commencé à regarder quels seraient tes tops là, jusqu'à présent? Ben oui. Ouais. Parce que depuis qu'ils sortent tout du stock, depuis début de 2013, que je fais mes reviews sur Hurlemort, ouais. Je l'écris dans un listing, comme ça, j'oublierai rien. Mais comparativement à l'année passée... T'es rendu moins loin, hein? Oh, pas mal moins loin. Effectivement, pas moi aussi. Pas mal moins loin. Je regardais mais ça, là. Avec ce que j'ai vu, comme listing, d'après moi, ça va s'équivaler pas mal. Ouais, ben ça se peut, ouais. Peut-être ben more to stock, come, là. Il y a bien du stock qui s'en vient, de très intéressant. Ouais, ça, c'est... Écoute... Généralement, c'est ainsi donné, on a beaucoup de choses à sortir. Il y a un nouveau Legend of the Damned, il y a un nouveau, en tout cas, il y a un nouveau un paquet de trucs. Bon, allons-y avec Suffocation, Beginning of Sorrow, tiré de Pinnacle of Bedlam, paru en 2013 sur Nuclear Blast. Et sur ce, ben, je vais vous dire, allez-vous faire foutre. Ben, et ça aurait pu être autre chose. Hein? Ah, ben là. T'as encore tes amygdales, toi? Oui. Go.